Ce samedi 2 février, 20h, le multi-concessionnaire de Dolbeau-Mistassini reçoit la visite du MGR Express de Saguenay au complexe sportif du secteur Dolbeau. Prix d'entrée seulement 8$. Venez voir du hockey de haut calibre avec des joueurs d'ici. Soyez le 7e joueur. Multi-concessionnaire MGR Express, une présentation du restaurant Cocrotti des promenades du boulevard. Go, multi, go! On va parler de NBA avec notre ami Pascal Jobin, c'est la chronique NBA. Salut Pascal. Salut Danny. Pascal, je suis sur le New York Post ce matin et pour savoir, les Knicks ont échangé Kristaps Porzingis, Tim Hardaway Jr., c'est le fils de Tim Hardaway qu'on a vu avec les Warriors de Golden State, qui connaissaient une bonne saison, 19 points par match, quand même pas mauvais, là, contre des joueurs que je connais pas, donc j'y mets des côtés des Mavericks. Jordan, c'est un centre, là, c'est en gros une belle acquisition pour New York quand même. Là. Ouais, ok. Je suis surpris, c'était le centre des Clippers avec Chris Paul. Ah oui, c'est vrai, des Under Jordan. Ouais, okay. C'est quand même un gros morceau. Ouais, mais les autres, Ben, Dennis Smith Jr., qui était supposément être la nouvelle vedette de Dallas, mais avec la venue de Luka Doncic, il a comme disparu. Ouais. Fait que moi, j'étais pas surpris de cet échange-là. Maintenant, je suis surpris que les Knicks aient échangé Porzingis, mais les Knicks, ils se préparent pour l'été. Ben, c'est ça, là. C'est pour ça que je disais. Pour Klay Thompson. Exactement. C'est l'article de Mark Berman de New York Post ce matin. Exactement. Ils vont avoir 74 millions de disponibles. Ouais. 60 sur la masse salariale. C'est ménage, là. Hein? Porzingis, lorsque Phil Jackson était avec New York, avait sorti le problème. Ouais. Et la rumeur est qu'il pourrait peut-être jouer physiquement en ce moment. OK. Mais qu'il est juste pas content de l'organisation. Fait que je pense que ça faisait partie de des Knicks ont décidé de se séparer de leur futur star. Et ça donne un duo spectaculaire pour les dix prochaines années à Dallas, là, avec Doncic puis Porzingis. Ça va être un duo. Écoute, c'est un joueur étoile, Porzingis. Absolument. C'est un joueur étoile. C'était vraiment surpris. Puis pour du côté des Knicks, écoute, le Mike Berman qui mentionne. C'est lui à Marbien qui dit ça, mais j'imagine que l'organisation des Knicks est en arrière de ça, là. De ne pas être désaccord. On veut Kevin Durant, on va essayer d'avoir Kawhi Leonard, on va essayer. Là, on est dernier dans l'Est, donc on est bien positionné pour la loterie et pour avoir Zion Williamson. Parce que les Knicks, écoute, ça peut pas rester le même. Il faut que ça change, mais c'est pas un mauvais pas dans la bonne direction. Maintenant, la question est, est-ce que ces top 3 joueurs autonomes vont aller jouer à New York? Ben, c'est ça. Est-ce que Kevin Durant va aller à New York? Est-ce que Klay Thompson va aller à New York? Est-ce que Anthony Davis va aller à New York, à moins qu'il soit échangé, mais il peut être échangé. Anthony Davis, il a dit, c'est clair, si je t'ai changé, autre que les Lakers, je ne signe pas d'extension. Fait qu'il devient un joueur autonome de manière autonome. Okay. Ça, c'est une autre histoire à surveiller, mais je veux juste te le dire. Anthony Davis, en ce moment, il est blessé, il ne joue pas. On a enlevé du vidéo. Et mettons, les Sixers, ils vont le chercher pour Ben Simmons puis Jimmy Butler. Mais ça se peut qu'à la fin de la saison, il ne re-signe pas avec Philadelphie. Il devient un joueur autonome et là, il va s'en aller à Los Angeles. Tout le monde sait qu'il veut s'en aller à Los Angeles. Ouais, okay. Et je pense pas que les Pelicans, en ce moment, à moins d'avoir toute l'organisation des Lakers, vont l'échanger. Mais ça, c'est une histoire à suivre. Mais du côté des Knicks, on a juste fait un ménage. On a fait un ménage financier pour se préparer non seulement à perdre des matchs, hein? Faut pas oublier ça, Danny, parce que si on perd des matchs, puis on a une chance d'aller chercher Zion ou RJ Barrett, c'est quand même un beau repêcheur, qu'il soit numéro 1 ou numéro 2. Ouais. Les Knicks envisagent d'être peut-être avoir au moins un des trois premiers choix, qui sera pas un mauvais joueur, qui sera pas un mauvais athlète. Et puis d'aller chercher un gros nom. À la Kevin Durant, comme tu as dit. Parce qu'à New York, même Kawhi Leonard, il ne faut pas oublier Kawhi Leonard dans les poissons. Les Knicks, écoute, c'était une grosse équipe à New York. C'est aussi gros que les Rangers. C'est plus gros que les Rangers. C'est plus gros que. Ah, ben, historiquement, c'est une franchise. Et c'est New York, hein. C'est ça. Le Big Apple, Après les Yankees, j'aurais dit que c'est la plus grosse équipe à New York après les Yankees? Non, mais pas dans les 10 dernières années, en tout cas. Oui, mais je veux dire, après les Yankees, c'est les Knicks. Oui, t'as raison. Fait que, tu sais, c'est pas... ça pourra pas rester le même à New York, là. Écoute, c'est ça. Anthony Davis, également, a demandé à être échangé. Une nouvelle quand même assez surprenante. Écoute, les Pelicans avaient montré des signes encourageants en passant les mains des Trailblazers de Portland en quatre matchs. Là, il veut s'en aller et tout indique qu'il veut aller à Los Angeles. Est-ce que les Lakers vont vouloir. C'est sûr qu'ils vont vouloir l'avoir, mais dépendant du prix. Puis on dit que les Celtics de Boston également seraient très bien passés pour avoir Anthony Davis aussi. Ben, les Celtics seraient intéressés, mais je pense pas qu'ils vont aller chercher. C'est parce que ça va demander Jason Tatum, ça va demander. Ouais. Ils ont des choix à pêcheurs, ils ont beaucoup de choix à pêcheurs. Ouais, Brown aussi. Donc, moi, je pense que. Et Kyrie Irving, oublie pas, devient un joueur autonome. Hein. Fait que lui, et quand tu parlais de New York tantôt, ça serait une place pour New York parce qu'il aimerait savoir son équipe. Puis c'est pas fait que Kyrie Irving va rester à Boston en passant. Okay. Surtout avec l'émergence de Terry Rozier. Maintenant, c'est sûr que Boston, ce qu'ils ont d'intéressant, c'est je pense qu'ils ont trois premiers choix repêchage cette année. Ouais. Fait que c'est ça qui est intéressant pour la Nouvelle-Orléans. Mais en ce moment, c'est que la situation contractuelle, les Pelicans sont pas obligés de rien faire. Mm. OK? Ils peuvent finir la saison puis juste dire Anthony Davis reste chez toi. Mm. Et Anthony Davis le doit une autre année. Et là, pendant cet été, là, ils peuvent faire un autre, ils peuvent faire un échange. Mais techniquement, un peu comme LeBron James quand il était à Cleveland, contractuellement, il devait rester une autre saison. Donc, lorsque Kyrie Irving a quitté, LeBron James ne peut pas quitter. Mm-hmm. Tout ce qu'il veut dire, c'est que je veux pas re-signer avec vous autres, c'est tout. Et ce qu'Anthony Davis a dit à son agent de dire aux médias, c'est que je veux pas re-signer une extension avec les Pelicans et j'aimerais ça qu'ils m'échangent parce qu'on ne va pas dans la même direction. Mm-hmm. Je pense que ça fait quoi, 7 ans qu'il est là-bas, 6 ans ou 7 ans qu'il est là-bas. Il veut quelque chose de nouveau, puis je pense que faut pas oublier que l'agent de LeBron James, qui est aussi l'agent de Anthony Davis, récemment, ça fait pas 2 ans, là, je pense, ça s'est fait dans les dernières années. Donc, on peut voir l'influence, puis tout ce qui se passe derrière les portes fermées, comme on dit, là. Ouais. Mais c'est pas fait encore, c'est pas réglé encore, c'est pas fait. On se souvient que Paul George avait fait la même chose avec les Pacers. Et les Pacers, finalement, l'ont échangé à Oklahoma, mais il est resté qu'Oklahoma. Okay. Donc, ça a été payant pour Oklahoma. La même façon que Toronto rêve de signer Kawhi, mais Kawhi peut quitter après cette année. Oui. Puis, en passant, je sais pas si on en avait parlé la dernière fois, Kawhi a acheté une maison de 15 millions à Los Angeles. C'est une maison, si tu habites à Toronto pendant 11 mois, puis une maison d'un mois. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a bien des gens qui disent que Kawhi ne va pas re-signer avec Toronto. Et puis, lui, il a dit, je pense que tout ce qu'il a mentionné, il a dit, si je gagne un championnat avec les Raptors, ça va être difficile de quitter l'organisation. Fait que, probablement que s'il gagne, il reste, mais les chances qu'il gagne sont pas mal plus minimes qu'il perde. On est d'accord avec ça? Ouais. Est-ce que les Bucks sont vraiment hier? Grosse victoire à Toronto hier. Là, ça met de la pression sur Masai Ujiri, hein? Ben, ça met de la pression face à Ujiri. J'essaie de penser à ça. Je savais qu'on était pour se parler. Ouais. J'aime l'équipe de Toronto. T'sais, j'aime Kyle Lowry, qui était nommé dans l'équipe d'étoiles, Kawhi Leonard, Valanciunas, on a eu des petites blessures, mais on a toute une équipe, on a un très bon banc. Mais là, les Bucks de Milwaukee, ils continuent à être numéro un, ils continuent à prendre un peu de distance avec les Raptors, mais est-ce que Milwaukee est capable de gagner dans les séries? J'adore. Est-ce que les Raptors sont capables aussi, jusqu'à maintenant? Mais c'est ça, fait que là, est-ce qu'on fait un échange? Plus, exactement, mais et on va chercher qui? Ouais. On va chercher qui en ce moment là? C'est ça que j'essaie de voir. C'est pas mal. Porzingis faisait partie des rumeurs, hein, avec les Raptors. Ouais, mais il est blessé, fait que ça sert à rien. Dallas, c'est fait pour le futur. Okay. Mais Toronto doit gagner maintenant. Fait que même si, exemple, on échange Kyle Lowry, Siakam puis Valanciunas pour Porzingis, ben Porzingis il joue pas. Il joue pas, tu sais. Donc maintenant, est-ce que Toronto vont échanger pour Anthony Davis? Ah, ça pourrait se faire. Mais ça serait un an, d'accord? Ouais, c'est ça. Mais parce que là, ils sont all-in cette année, les Raptors. Ils sont all-in. Mais là, tu viens à une maison de 15 millions à Los Angeles, tu viens de dire carrément, là, tu viens de répondre à 50% des possibilités, là. Exact. Tu sais, t'avais pas 15 millions à une maison de Los Angeles pour, si tu veux, si t'as des plans de rester à Toronto, me semble, en tout cas. Mais quoi que ça se vend bien, pareil, à Los Angeles, il y a tellement de monde. Pense puis... Avec le salaire qu'il fait, je m'inquiète pas bien pour... Non. Il peut en avoir deux, trois. Mais LeBron, il y a deux maisons à Los Angeles. Effectivement. On s'inquiète pas. Effectivement. Pascal, gros merci. Je sais que t'avais pas beaucoup de temps aujourd'hui pour s'en parler. On s'en parle dans 15 jours. Date limite des transactions dans la NBA. Rapidement, qui tu penses qui va bouger le plus? Je pense que ça va être tranquille et je pense qu'on va Je pense que les Pelicans vont tout faire pour échanger Anthony Davis pour le 7, selon moi. OK. Je suis pas mal convaincu. OK. Donc, tu t'attends, Pascal, que. Mais ça va être des joueurs de profondeur, la plupart. Exactement. OK. Pascal Jobin, gros merci, on s'en part. Merci beaucoup, Pascal Jobin.